rap et je m'en tape de vos histoires de rap, de vos finales de clash et de faire péter l'audimat une fois. J'ai aiguisé mes putains de doigts avant de frapper le tronc d'arbre. Comme mes frères, j'attends la victoire pour pouvoir sabrer le champagne. J'ai parlé vrai malgré langage si peu comprennent. Autodidacte, tout ce que j'ai, je l'ai appris de mon père. J'ai taffé de long mois dans l'ombre et dans le noir. Appris un soir tout seul qu'on peut servir si c'est de bonne guerre. De mes peines, j'en ferai des sons, frère. J'ai sombré mes sens en éveil monté ou presque la pente. J'étais censé descendre. Bref, jamais me servir par soi-même. Entouré de mes frères, j'ai l'honnêteté de vous dire que nos produits sont faits maison, mec. Le doute nous perd comme un coup de colère dans la bouche. J'irai me noyer dans les bas-fonds là où la troupe sommeille. Indépendant jusqu'au bout des doigts, je préfère compter sur les miens. Rien à foutre du soi-disant coup de poker. Malgré votre game, on reste entier à chaque version, à chaque texte. Rien à foutre de finir entier après le son. On se bat pour nos rêves, pour nos frères. On fait tout nous-mêmes sans jamais rien demander à personne. Malgré votre game, on reste entier à chaque version, à chaque texte. Rien à foutre de finir entier après le son. On se bat pour nos rêves, pour nos frères. Fais-tu nous-mêmes sans jamais rien demander à personne. Le rap est plein d'aventures de taille. Laisse-les qui se bouffent entre eux. Moi j'ai jamais rien attendu de leur part. Le rap est mort, c'est pas dur aujourd'hui. C'est lamentable, me demande pas à qui la faute. Réclame une autopsie. Y'a que d'affolant de pronostic, de façon. Y'a qu'à mon frère que je fais confiance. Si l'insolence, l'autre aussi, l'invasion. On est des rares, tonton je vis pas de masique. La passion c'est que c'est rare, donc on quitte pas le navire. On fait tout pour malgré les crasses. Sac j'enchaîne les aises. On a toujours gardé le même cap, tout droit dans le cœur des frères. Ouais tous mélangés, c'est le bric-à-brac dans nos têtes. On est tous des anges et des fils à part pour nos mères. Nos sons sonnent dans des caves. J'écris des textes, on fait des clips et puis des scènes. C'est pas pour ça qu'on se donne en spectacle. Le futur ne fait pas rire. Avant le rap était fâché. Maintenant le passé est passé. Le plus dur reste à venir. Malgré votre game, on reste entier à chaque version, à chaque texte. Rien à foutre de finir entier après le son. On se bat pour nos rêves, pour nos frères. On fait tout nous-mêmes sans jamais rien demander à personne. Malgré votre game, on reste entier à chaque version, à chaque texte. Rien à foutre de finir entier après le son. On se bat pour nos rêves, pour nos frères. On fait tout nous-mêmes sans jamais rien demander à personne. Moi je marie au métronome autant que le pot money. Kids of crackling, Billy et Vice au platine. Propre à mes propos, moi je pratique le même hip-hop qu'Amine. Le mic au fond du larynx en office de gros calibre. Juste le fils de Marie, depuis que le minute défile. J'assure mes arrières, mec, quitte à en risquer ma vie. Dans les open mic, à 10 ans près, je croyais en ce bel avenir. À manier le sens de la rime, enseveli sous la brique. J'ai appris que personne n'est à l'abri, les souvenirs m'animent. Mais si le premier se plante, je m'agiterai pour que le plan B arrive. 23 avril, je déballe tout quand les frères font leur valise. Et je cogite sur les dernières mesures pour que le son se valide. Le bonheur m'a trompé, j'ai rêvé d'épouser une vie nouvelle. Ma prose encaisse ma souffrance, donc je pourrais mourir pour elle. J'oublierai pas ma rencontre avec la famille toulousaine. On s'exprime sans contrat, mais qu'on s'est tous bâti nous-mêmes. Malgré votre game, on reste entier à chaque version, à chaque texte. Rien à foutre de finir entier après le son. On se bat pour nos rêves, pour nos frères. On fait tout nous-mêmes sans jamais rien demander à personne. Malgré votre game, on reste entier à chaque version, à chaque texte. Rien à foutre de finir entier après le son. On se bat pour nos rêves, pour nos frères. On fait tout nous-mêmes sans jamais rien demander à personne. L'exhaleur, Amani d'hiver, la fine équipe, l'insolence, Bastard Prod, Lyrical Record, Rootscore, Bim Bam Prod. On fait tout nous-mêmes sans jamais rien demander à personne.